Livre septième, chapitre 8. Utilité des fenêtres qui donnent sur la rivière. Claude Frollo, car nous présumons que le lecteur plus intelligent que Phébus n'a vu dans toute cette aventure d'autres moines bourrus que l'archidiacre, Claude Frollo tâtonna quelques instants dans le réduit ténébreux où le capitaine l'avait verrouillé. C'était un de ces recoins, comme les architectes en réservent quelquefois au point de jonction du toit et du mur d'appui. La coupe verticale de ce chenil, comme l'avait si bien nommé Phébus, eût donné un triangle. Du reste, il n'y avait ni fenêtre ni lucarne, et le plan incliné du toit empêchait qu'on s'y tînt debout. Claude s'accroupit donc dans la poussière et dans les plâtras qui s'écrasaient sous lui. Sa tête était brûlante. En furetant autour de lui avec ses mains, il trouva à terre un morceau de vitre cassée qu'il appuya sur son front et dont la fraîcheur le soulagea un peu. Que se passait-il en ce moment dans l'âme obscure de l'archidiacre? Lui et Dieu seuls l'ont pu savoir. Selon quel ordre fatal disposait-il dans sa pensée la Esmeralda, Phébus, Jacques Charmolue, son jeune frère si aimé, abandonné par lui dans la boue, sa soutane d'archidiacre, sa réputation peut-être, traînée chez la Falourdel, toutes ces images, toutes ces aventures, je ne pourrais le dire. Mais il est certain que ces idées formaient dans son esprit un groupe horrible. Il attendait depuis un quart d'heure, il lui semblait avoir vieilli d'un siècle. Tout à coup, il entendit craquer les haies de l'escalier de bois. Quelqu'un montait. La trappe se rouvrit. Une lumière reparut. Il y avait à la porte vermoulue de son bouge une fente assez large. Il y colla son visage. De cette façon, il pouvait voir tout ce qui se passait dans la chambre voisine. La vieille à face de chat sortit d'abord de la trappe, sa lampe à la main. Puis Phébus, retroussant sa moustache. Puis une troisième personne, cette belle et gracieuse figure, la Esmeralda. Le prêtre la vit sortir de terre comme une éblouissante apparition. Claude trembla, un nuage se répandit sur ses yeux, ses artères battirent avec force, tout bruissait et tournait autour de lui. Il ne vit et n'entendit plus rien. Quand il revint à lui, Phébus et la Esmeralda étaient seuls, assis sur le coffre de bois à côté de la lampe, qui faisait saillir aux yeux de l'archidiacre ses deux jeunes figures et un misérable grabat au fond du galetas. À côté du grabat, il y avait une fenêtre, dont le vitrail défoncé comme une toile d'araignée sur laquelle la pluie a tombé, laissait voir à travers ses mailles rompues un coin du ciel, et la lune couchée au loin sur un édredon de molles nuées. La jeune fille était rouge, interdite, palpitante. Ses longs cils baissés ombrageaient ses joues de pourpre. L'officier sur lequel elle n'osait lever les yeux rayonnait. Machinalement et avec un geste charmant de gaucherie, elle traçait du bout du doigt sur le banc des lignes incohérentes, et elle regardait son doigt. On ne voyait pas son pied, la petite chèvre était accroupie dessus. Le capitaine était mis fort galamment. Il avait au col et au poignet des touffes de dorelotterie, grande élégance d'alors. Don Claude ne parvint pas sans peine à entendre ce qu'il se disait à travers le bourdonnement de son sang qui bouillait dans ses tempes. Chose assez banale qu'une causerie d'amoureux, c'est un « je vous aime perpétuel », phrase musicale fort nue et fort insipide pour les indifférents qui écoutent, quand elle n'est pas ornée de quelques fioritures. Mais Claude n'écoutait pas en indifférent. « Oh !» disait la jeune fille sans lever les yeux. « Ne me méprisez pas, monseigneur Phébus, je sens que ce que je fais est mal. »« Vous méprisez, belle enfant, répondait l'officier d'un air de galanterie supérieure et distinguée. « Vous méprisez, tête-dieu, et pourquoi ? Pour vous avoir suivi ? Sur ce propos, ma belle, nous ne nous entendons pas. Je ne devrais pas vous mépriser, mais vous haïr. » La jeune fille le regarda avec effroi. « Me haïr ? Qu'ai-je donc fait ? Pour vous être tant fait prier. »« Hélas, dit-elle, c'est que je manque à un vœu. Je ne retrouverai pas mes parents. L'amulette perdra sa vertu. Mais qu'importe, qu'ai-je besoin de père et de mère à présent ?» En parlant ainsi, elle fixait sur le capitaine ses grands yeux noirs humides de joie et de tendresse. « Du diable si je vous comprends !» s'écria Phébus. La Esmeralda resta un moment silencieuse, puis une larme sortit de ses yeux, un soupir de ses lèvres, et elle dit « Ô mon Seigneur, je vous aime !» Il y avait autour de la jeune fille un tel parfum de chasteté, un tel charme de vertu, que Phébus ne se sentait pas complètement à l'aise auprès d'elle. Cependant, cette parole l'enhardit. « Vous m'aimez ? » dit-il avec transport, et il jeta son bras autour de la taille de l'Égyptienne. Il n'attendait que cette occasion. Le prêtre le vit et essaya du bout du doigt la pointe d'un poignard qu'il tenait caché dans sa poitrine. « Phébus ! » poursuivit la bohémienne en détachant doucement de sa ceinture les mains tenaces du capitaine. « Vous êtes bon, vous êtes généreux, vous êtes beau. Vous m'avez sauvé, moi qui ne suis qu'une pauvre enfant perdue en Bohême. Il y a longtemps que je rêve d'un officier qui me sauve la vie. C'était de vous que je rêvais avant de vous connaître, mon Phébus. Mon rêve avait une belle livrée comme vous, une grande mine, une épée. Vous vous appelez Phébus, c'est un beau nom. J'aime votre nom, j'aime votre épée. Tirez donc votre épée, Phébus, que je la vois. Enfant, dit le capitaine, et il dégaina sa rapière en souriant. L'Égyptienne regarda la poignée, la lame, examina avec une curiosité adorable le chiffre de la garde, et baisa l'épée en lui disant « Vous êtes l'épée d'un brave, j'aime mon capitaine !» Phébus profita encore de l'occasion pour déposer sur son beau cou ployé un baiser qui fit redresser la jeune fille, écarlate comme une cerise. Le prêtre en grinça des dents dans les ténèbres. « Phébus, reprit l'Égyptienne, laissez-moi vous parler. Marchez donc un peu que je vous vois tout grand et que j'entende sonner vos éperons. Comme vous êtes beau !» Le capitaine se leva pour lui complaire, en la grondant avec un sourire de satisfaction. « Mais vous êtes enfant. À propos, charmante, m'avez-vous vue en hoqueton de cérémonie ?»« Hélas non, répondit-elle. C'est cela qui est beau. » Phébus vint se rasseoir près d'elle, mais beaucoup plus près qu'auparavant. « Écoutez, ma chère !» L'Égyptienne lui donna quelques petits coups de sa jolie main sur la bouche, avec un enfantillage plein de folie, de grâce et de gaieté. « Non, non, je ne vous écouterai pas. M'aimez-vous ? Je veux que vous me disiez si vous m'aimez. »« Si je t'aime, ange de ma vie !» s'écria le capitaine en s'agenouillant à demi. « Mon corps, mon sang, mon âme, tout est à toi, tout est pour toi. Je t'aime, et je n'ai jamais aimé que toi. » Le capitaine avait tant de fois répété cette phrase, en maintes conjectures pareilles, qu'il la débita tout d'une haleine, sans faire une seule faute de mémoire. À cette déclaration passionnée, l'Égyptienne leva au sale plafond qui tenait lieu de ciel un regard plein d'un bonheur angélique. « Oh ! » murmura-t-elle, « voilà le moment où l'on devrait mourir. » Phébus trouva le moment bon pour lui dérober un nouveau baiser qui alla torturer dans son coin le misérable archidiacre. « Mourir ! » s'écria l'amoureux capitaine. « Qu'est-ce que vous dites donc là, bel ange ? C'est le cas de vivre, où Jupiter n'est qu'un polisson. Mourir au commencement d'une si douce chose, corne de bœuf, quelle plaisanterie ! Ce n'est pas cela. Écoutez, ma chère Similar, Esmenarda, pardon, mais vous avez un nom si prodigieusement sarrasin que je ne puis m'en dépêtrer. C'est une broussaille qui m'arrête tout court. Mon Dieu, dit la pauvre fille. « Moi qui croyais ce nom joli pour sa singularité. Mais puisqu'il vous déplaît, je voudrais m'appeler Goton. »« Ah, ne pleurons pas pour si peu, ma gracieuse. C'est un nom auquel il faut s'accoutumer, voilà tout. Une fois que je le saurai par cœur, cela ira tout seul. Écoutez donc, ma chère Similar, je vous adore à la passion. Je vous aime vraiment que c'est miraculeux. Je sais une petite qui en crève de rage. » La jalouse fille l'interrompit. « Qui donc ? » ?»« Qu'est-ce que cela nous fait ? » dit Phébus. « M'aimez-vous ? » ?»« Oh ! » dit-elle. « Eh bien, c'est tout. Vous verrez que je vous aime aussi. Je veux que le grand diable Neptunus m'enfourche si je ne vous rends pas la plus heureuse créature du monde. Nous aurons une jolie petite logette quelque part. Je ferai parader mes archers sous vos fenêtres. Ils sont tous à cheval et font la nargue à ceux du capitaine Mignon. Il y a des voulgiers, des crânequiniers et des coulevriniers à main. Je vous conduirai aux grandes monstres des Parisiens à la grange de Rully. C'est très magnifique. 4000 têtes armées, 30 000 harnois blancs, Jacques ou Brigandine, les 67 bannières des métiers, les étendards du Parlement, de la Chambre des comptes, du Trésor des généraux, des aides des monnaies, un haroi du diable, enfin. Je vous mènerai voir les lions de l'hôtel du roi, qui sont des bêtes fauves. Toutes les femmes aiment cela. » Depuis quelques instants, la jeune fille absorbée dans ses charmantes pensées rêvait au son de sa voix sans écouter le sens de ses paroles. « Oh, vous serez heureuse !» continua le capitaine, et en même temps il déboucla doucement la ceinture de l'égyptienne. « Que faites-vous donc ? » dit-elle vivement. Cette voix de fée l'avait arrachée à sa rêverie. « Rien, répondit Phébus, je disais seulement qu'il faudrait quitter toute cette toilette de folie et de coin de rue quand vous serez avec moi. » « Quand je serai avec toi, mon Phébus, dit la jeune fille tendrement. Elle redevint pensive et silencieuse. Le capitaine, enhardi par sa douceur, lui prit la taille sans qu'elle résistât. Puis il se mit à délacer à petit bruit le corsage de la pauvre enfant et dérangea si fort sa gorgerette que le prêtre, haletant, vit sortir de la gaze la belle épaule nue de la bohémienne, ronde et brune comme la lune qui se lève dans la brume à l'horizon. La jeune fille laissait faire Phébus. Elle ne paraissait pas s'en apercevoir. L'œil hardi du capitaine étincelait. Tout à coup, elle se tourna vers lui. « Phébus, dit-elle avec une expression d'amour infini, instruis-moi dans ta religion. »« Ma religion ? » s'écria le capitaine éclatant de rire. « Moi ? Vous instruire dans ma religion ? Corne et tonnerre ! Qu'est-ce que vous voulez faire de ma religion ?»« C'est pour nous marier, » répondit-elle. La figure du capitaine prit une expression mélangée de surprise, de dédain, d'insouciance et de passion libertine. « Ah bah, dit-il, est-ce qu'on se marie ?» La bohémienne devint pâle et laissa tristement retomber sa tête sur sa poitrine. « Belle amoureuse, reprit tendrement Phébus, qu'est-ce que c'est que ces folies-là ? Grand-chose que le mariage. Est-ce qu'on est moins bien aimant pour n'avoir pas craché du latin dans la boutique d'un prêtre ?» En parlant ainsi de sa voix la plus douce, il s'approchait extrêmement près de l'égyptienne. Ses mains caressantes avaient repris leur poste autour de cette taille si fine et si souple. Son œil s'allumait de plus en plus, et tout annonçait que M. Phébus touchait évidemment à l'un de ces moments où Jupiter lui-même fait tant de sottises que le bon Homère est obligé d'appeler un nuage à son secours. Don Claude, cependant, voyait tout. La porte était faite de douves de poinçons toutes pourries qui laissaient entre elles de larges passages à son regard d'oiseau de proie. Ce prêtre à peau brune et à larges épaules, jusque-là condamné à l'austère virginité du cloître, frissonnait et bouillait devant cette scène d'amour, de nuit et de volupté. La jeune et belle fille livrée en désordre à cet ardent jeune homme lui faisait couler du plomb fondu dans les veines. Il se passait en lui des mouvements extraordinaires. Son œil plongeait avec une jalousie lascive, sous toutes ces épingles défaites, qui eût pu voir en ce moment la figure du malheureux collée au barreau vermoulu, eût cru voir une face de tigre regardant du fond d'une cage quelque chacal qui dévore une gazelle, sa prunelle éclatée comme une chandelle à travers les fentes de la porte. Tout à coup, Phébus enleva d'un geste rapide la gorgerette de l'Égyptienne. La pauvre enfant, qui était restée pâle et rêveuse, se réveilla comme en sursaut. Elle s'éloigna brusquement de l'entreprenant officier et, jetant un regard sur sa gorge et ses épaules nues, rouges et confuses et muettes de honte, elle croisa ses deux beaux bras sur son sein pour le cacher. Sans la flamme qui embrasait ses joues, à la voir ainsi silencieuse et immobile, on eût dit une statue de la pudeur. Ses yeux restaient baissés. Cependant, le geste du capitaine avait mis à découvert l'amulette mystérieuse qu'elle portait au cou. « Qu'est-ce que cela ? » dit-il, en saisissant ce prétexte pour se rapprocher de la belle créature qu'il venait d'effaroucher. « N'y touchez pas !» répondit-elle vivement. « C'est ma gardienne. C'est elle qui me fera retrouver ma famille, si j'en reste digne. Oh, laissez-moi, monsieur le capitaine. Ma mère, ma pauvre mère, ma mère, où es-tu ? À mon secours, grâce, monsieur Phébus, rendez-moi ma gorgerette. » Phébus recula et dit d'un ton froid, « Oh, mademoiselle, je vois bien que vous ne m'aimez pas. »« Je ne t'aime pas ? » s'écria la pauvre malheureuse enfant, et en même temps, elle se pendit au capitaine, qu'elle fit asseoir près d'elle. « Je ne t'aime pas, mon Phébus. Qu'est-ce que tu dis là, méchant, pour me déchirer le cœur ? Oh, va, prends-moi, prends tout, fais ce que tu voudras de moi. Je suis à toi, que m'importe l'amulette, que m'importe ma mère. C'est toi qui es ma mère, puisque je t'aime. Phébus, mon Phébus bien-aimé, me vois-tu ? C'est moi, regarde-moi. C'est cette petite que tu veux bien ne pas repousser, qui vient elle-même te chercher. Mon âme, ma vie, mon corps, ma personne, tout cela est une chose qui est à vous, mon capitaine. Eh bien non, ne nous marions pas, cela t'ennuie. Et puis, qu'est-ce que je suis, moi, une misérable fille du ruisseau, tandis que toi, mon Phébus, tu es gentilhomme. Belle chose, vraiment, une danseuse épouser un officier. J'étais folle. Non, Phébus, non. Je serai ta maîtresse, ton amusement, ton plaisir, quand tu voudras. Une fille qui sera à toi. Je ne suis faite que pour cela, souillée, méprisée, déshonorée. Mais qu'importe, aimée. Je serai la plus fière et la plus joyeuse des femmes. Et quand je serai vieille ou laide, Phébus, quand je ne serai plus bonne pour vous aimer, mon Seigneur, vous me souffrirez encore pour vous servir. D'autres vous broderont des écharpes. C'est moi la servante qui en aurai soin. Vous me laisserez fourbir vos éperons, brosser votre hoqueton, épousseter vos bottes de cheval. N'est-ce pas, mon Phébus, que vous aurez cette pitié ? En attendant, prends-moi, tiens, Phébus, tout cela t'appartient. Aime-moi seulement. Nous autres Égyptiennes, il ne nous faut que cela, de l'air et de l'amour. » En parlant ainsi, elle jetait ses bras autour du cou de l'officier. Elle le regardait du bas en haut, suppliante et avec un beau sourire tout en pleurs. Sa gorge délicate se frottait aux pourpoints de drap et aux rudes broderies. Elle tordait sur ses genoux son beau corps demi-nu. Le capitaine, enivré, colla ses lèvres ardentes à ses belles épaules africaines. La jeune fille, les yeux perdus au plafond, renversée en arrière, frémissait, toute palpitante sous ce baiser. Tout à coup, au-dessus de la tête de Phébus, elle vit une autre tête, une figure livide, verte, convulsive, avec un regard de damné. Près de cette figure, il y avait une main qui tenait un poignard. C'était la figure et la main du prêtre. Il avait brisé la porte et il était là. Phébus ne pouvait le voir. La jeune fille resta immobile, glacée, muette sous l'épouvante apparition, comme une colombe qui lèverait la tête au moment où l'orfraie regarde dans son nid avec ses yeux ronds. Elle ne put même pousser un cri. Elle vit le poignard s'abaisser sur Phébus et se relever fumant. « Malédiction !» dit le capitaine, et il tomba. Elle s'évanouit. Au moment où ses yeux se fermaient, où tout sentiment se dispersait en elle, elle crut sentir s'imprimer sur ses lèvres un attouchement de feu, un baiser plus brûlant que le fer rouge du bourreau. Quand elle reprit ses sens, elle était entourée de soldats du guet. On emportait le capitaine baigné dans son sang. Le prêtre avait disparu. La fenêtre du fond de la chambre qui donnait sur la rivière était toute grande ouverte. On ramassait un manteau qu'on supposait appartenir à l'officier et elle entendait dire autour d'elle « C'est une sorcière qui a poignardé un capitaine ».